L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Dans de nombreux modèles de matière noire, les particules qui la forment sont des particules non baryoniques qui ont le pouvoir de s'annihiler entre elles pour former des paires de particules-antiparticules qui finissent ensuite par produire des rayons gamma. Ces gamma hypothétiques peuvent être détectés notamment par un télescope spatial spécifique qui s'appelle Fermilat. Depuis quelques années, un excès de rayons gamma a été observé en provenance du centre de notre galaxie, qui pourrait tout à fait correspondre à ce signal indirect d'annihilation de particules de matière noire. Mais ces rayons gamma peuvent aussi provenir d'autres sources plus classiques, comme des étoiles à neutrons en rotation rapide qu'on appelle des pulsars. Mais la matière noire, en théorie, n'est pas concentrée que vers le centre de la galaxie, même si c'est le lieu privilégié pour la chercher. Il devrait exister au sein du halo de la galaxie des zones de plus grande densité de matière noire que les astronomes nomment des sous-halos, sortes de bulles de matière noire. Les chercheurs qui ont identifié l'excès de rayons gamma en provenance du centre galactique ont calculé que si les rayons gamma proviennent bien d'annihilation de particules de matière noire, des WIMPs, les sous-halos de la galaxie devraient produire eux aussi suffisamment de rayons gamma pour que le télescope Fermilat puisse les détecter sous la forme de sources gamma brillantes. Jusqu'à aujourd'hui, Fermilat a trouvé des centaines de sources gamma un peu partout dans le ciel, mais qui s'avèrent être très majoritairement des sources classiques, sans lien avec la matière noire. Une équipe américaine, conduite par le désormais célèbre Dan Hooper, le père de l'excès de rayons gamma du centre galactique comme preuve indirecte de la présence de WIMPs, est donc partie à la recherche de sous-halos dans les dizaines de sources gamma inconnues trouvées par Fermilat. Les astrophysiciens ont une chance, car les rayons gamma des sous-halos devraient être légèrement différents des rayons gamma de sources classiques. Si ils proviennent d'annihilation de matière noire dans des zones de surdensité, des sous-halos, ces rayons gamma doivent apparaître sur une zone un peu plus étendue que s'ils proviennent d'un pulsar qui, lui, doit au contraire apparaître ponctuel. Tout l'enjeu est là. Découvrir une ou plusieurs sources gamma qui ne paraissent pas ponctuelles dans le ciel, mais légèrement étendues. Même très légèrement étendu. Ce serait un signe sans équivoque et une confirmation de l'excès observé du centre galactique en tant que produit d'annihilation de particules de matière noire. Et il se trouve que Bridget Bertoni, jeune chercheuse doctorante de l'Université de Washington, avec Dan Hooper et Tim Linden de l'Université de Chicago, montre dans un article paru en preprint le 9 avril dernier qu'une source gamma qui a été détectée par Fermilat parmi les 3033 sources détectées durant les 4 premières années de mission du satellite possède effectivement une légère extension spatiale avec en plus un spectre en énergie de ces rayons gamma qui pourrait être cohérent avec une WIMP d'une masse comprise entre 20 GeV et 50 GeV, soit dans la plage de masse la plus souvent attendue. Il faudra donc peut-être retenir le nom barbare de cette source gamma, J2212.5+0703. Mais les chercheurs restent très très prudents et se refusent à annoncer leurs résultats comme étant une preuve ou une découverte. Mais ils sont « very excited », comme le disent souvent les Américains devant des données très intéressantes. Ouais, très excités. Dan Hooper évoque notamment la nécessité d'observer J2212.5+0703 en multilongueur d'onde pour en connaître plus sur cette source. En attendant, la petite équipe continue à éplucher les catalogues de sources gamma de Fermilat en cherchant plus de candidats de sous-halo potentiels. Ils ont déjà dans leur besace une liste de 24 sources dont le spectre en énergie pourrait être produit par des WIMPs entre 20 et 70 GeV et qui ne sont pas variables dans le temps. Ce qui éloigne un peu une origine de type pulsar, les pulsars ayant par nature des émissions variables dues à leur rotation. Mais pour le moment, les analyses montrent que l'étendue spatiale de ces sources n'est pas aussi convaincante que celle de J2212.5 plus 0703. Les sources gamma détectées par le télescope Fermilat sont bien réelles et pour beaucoup d'entre elles, encore mal ou pas expliquées. L'hypothèse des sous-halos de matière noire, si elle se révèle exacte dans le futur, serait une jolie victoire pour Dan Hooper, qui a bien cru avoir trouvé la preuve dans le centre galactique il y a quelques années, avant d'accepter que des sources classiques pouvaient donner un signal similaire. Et ce ne serait plus le cas avec les sous-halos. Vous pouvez retrouver cet article en preprint sur le site Archive, avec pour titre Examining the Fermilat Third Source Catalog in Search of Dark Matter Subhalos par Bridget Bertoni et al. L'adresse est en bas du poste. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien les yeux au ciel, tant qu'il n'y a pas de nuages, hein. Et les pieds sur terre, même s'il y a des nuages, mais faites gaffe quand même à la foudre, n'est-ce pas? A très bientôt donc sur le www.saspasselahaut.fr.